que rien. Où j'en viens, je m'en tape ton opinion, je m'en moquerai, je te moquerai. Toi ça me dira, lâche-moi ton cœur ou rien. Ta considération, garçon, je m'en tape, y'a pas d'éclair ici, je déclare à ceux qui veulent la guerre, je la ferai, c'est clair au ça. C'est clair ou quoi, je m'en bats que tu sois une proie ou que tu sois peu, très émotif. Je te le diffuse, mon place, c'est gras du bide. Tu me vois comment, à vrai dire, je m'en tape, je rêve d'une vie que mais dans la normale, je préviens les mâles, je ferai pas le mot, j'ai pas la mine, bien explicite. Je te récite, si sans mon cœur, si t'as reçu, c'est que t'es humain. Je considère pour tous les frères de Saint-Nazaire à la Nester, je désespère. Passe-moi le spire, toi qu'à la fille, on verra si je m'investis. Quand je parle de rap face aux darons supérimés, j'ai pas la bonne date. Pour eux le rap c'est anodin et calraca et bon état. Je ne suis pas de cet avis, c'est vrai que la rue m'incite et oui. Mais on nous catalogue et puis on parle de nous au 7 à 8, un peu de weed pour s'évader. Voilà notre image de marque, donne-moi un taf, un bon salaire. Et moi franchement demain je démarre, vu qu'on nous considère comme des parasites. Et vu que ça parle mal, on finira par hésiter. On vient d'un monde où le rap égale si t'es peu, moi je suis dit peu. Mais je me sens bien dès qu'un des miens chante un peu. Je dédicace, le 5, 6 et 4, 4, on s'active au compte goutte, ça s'excite. Écoute gars, hé hey. Ici on me considère comme un fou, un jeune qui pense qu'à mes fûts, commettant que tes méfaits pour arriver à mes fins. La vie c'est la merde, le vice nous amène à braquer pour la thune, car cette pute nous malmène. Car on la considère pour ainsi dire, mes compères ainsi dit, on fait du peur ainsi dur. Mec on lâche pas l'affaire, quitte à ce qu'on ne bat la frère. Car les jupes pour nous prennent pour des trous de balafreux. C'est comme ça qu'ils nous considèrent, et devant les compter c'est dur. Tant qu'on n'a pas assez d'or, faut qu'on tape comme Fedor. Pour que les putes en bas s'endorment, et pour ça on bosse dur. On encule l'ambassadeur, investit les procédures, investit les procédures. T'as pas le mental, cousin. Ok, j'ai preuve de politesse parce que ma mère m'a bien éduqué. Je pratique le mental, c'est une valeur que j'ai m'inculquée. Je vais pas me voiler la face, donner un motif à mes erreurs. Parfois je me démotive et l'estomac ressent des aigreurs. C'est de la faute à personne, mais plutôt sûrement de la mienne. Si je pars à la chasse ou bien si je m'enfonce dans la mer. Mes neurones font la grève, gros, et dans ma tête ça bouchonne. Mon mental à la crève et la flemme paraît que ça pousse. J'ai ramassé la récolte, je l'ai fumé, je vois au ralenti. Continue de dépédave, gros, je t'assure un effet garanti. Barricade contre la montre et j'accumule les écarts temporels. Je parle en BPM, elle parle en heure, donc autant pour elle. Comment tu me considères? Alors critique, qu'est-ce que je suis censé dire? La pression qu'on s'intère quand je dis que le rap c'est ma grosse bouffée d'air. Ok d'accord, j'ai pas les textes ni la voix de la à Fabien. Vous nous trouvez hardcore mais on a que ça à l'heure, on le fait bien. Dédicace mes belles, un petit poète, voilà philosophe. Ça me fait de la peine quand je tends la main et que la variette me file un zèbre. Mais bon j'ai pas pleuré, écoute ce son, on n'est pas les rappeurs. Du 4x4 à Paris, c'est sans souci pour Grady Bispira. J'ai pas baissé la tête quand dis au pic, t'as pas le mental. Tu as malgré la tente, même si pour vous le rap c'est un scandale. Pour qui on me considère? J'sais pas, de toute façon je m'en bats les couilles, faut pas croire qu'on s'endort. On est allé, on s'en bat les couilles. On est tous considérés à errer traîner dans le quartier. De nos jours c'est sans pitié, l'amitié c'est éparpillé. Ce que je te dis que c'est ma douleur, et pour ça y'a pas tant de couleurs. On les considère comme